Chapitre 11e, changement du capitaine. 14 ans se sont écoulés depuis la disparition du petit baronnet, et pendant toute cette période, Claribel Walsingham et son mari étaient restés tranquillement en possession de Littlewood Park. L'agent de Sir Launcelot, notaire résident à Littlewood, recevait les rentes du domaine et les remettait au banquier du baronnet à Florence. C'était, pour les simples habitants du petit village, comme si la maison de Littlewood était éteinte réellement, maintenant que son chef n'habitait plus le domaine. 14 ans s'étaient écoulés sans apporter de changement dans la famille, si ce n'est que la naissance d'un autre fils était venue consoler la malheureuse femme et que le vif éclat des yeux de l'enfant avait brillé dans la triste chambre où la mère avait pleuré son premier-né. 4 mois après la mort de Sir Rupert, les médecins de Littlewood étaient venus trouver le capitaine, assis et pâle, soucieux, auprès de la cheminée de la bibliothèque, pour lui annoncer qu'il avait un fils, un noble enfant aux yeux bruns comme lui, un garçon qui grandirait pour être la joie de la noble famille qui avait souffert une si rude épreuve. Il y avait donc maintenant dans cette maison un enfant dont les éclats de rire se répandaient dans les longs corridors, dont la voix vibrait fraîche et claire sous les branches des vieux chênes, un garçon bruyant, brave, mauvais sujet, franc et insouciant, tel qu'avait été le capitaine dans le temps où il était tombé amoureux de Miss Claribel Merton. L'officier indien aimait son fils avec amour. Il s'occupait de ses jeux, de son poney, de son fusil, du bateau dans lequel il ramait sur le lac du parc. Il ne se lassait jamais de l'entendre causer. Jamais il n'était fatigué de galoper avec lui dans les plaines arides du Sussex. Quand l'enfant fut envoyé à Eton, le père eut plus de chagrin que Claribel elle-même. « S'il allait lui arriver quelque chose, Claribel, » disait-il. Et ces sinistres paroles remplissaient le cœur de la mère d'une terreur telle qu'elle eût envoyé un express chercher l'enfant pour le ramener à Littlewood si le capitaine ne s'y fût opposé. « Il est dans les mains de la Providence, Claribel, » disait-il. « Hélas, je n'ai pu retrouver votre autre fils, bien que, Dieu le sait, j'eusse une véritable affection pour lui. » Ainsi donc, l'enfant était à Eton, où ses brillantes qualités, sa nature franche, généreuse et hardie, le firent généralement aimer, et le capitaine et sa femme étaient encore une fois seuls dans le grand château de Littlewood. L'enfant était absent depuis 2 ans, ne revenant que pour ses vacances, époque que le capitaine attendait toujours avec une impatience enfantine. Les domestiques du château commencèrent à s'apercevoir d'un changement dans l'aspect du bel officier. Il avait pris de l'embonpoint, et ses cheveux noirs épais étaient mêlés de gris. Il se tenait courbé en marchant, et chaque jour il s'appuyait plus lourdement sur sa canne à pomme d'or. À l'âge de 45 ans, il avait presque l'air d'un vieillard, tandis que sa blonde femme semblait à peine plus âgée d'une année que le jour de son second mariage. Le major Varney et sa femme étaient retournés dans l'Inde à l'expiration du congé de l'officier, et Arthur Walsingham n'avait entendu parler que rarement de son ami au favori doré. La loge de la grille était plus agréable à voir maintenant que l'ombre du rude braconnier ne traçait plus une ligne noire sur l'allée du petit jardin. Un petit homme à la face rubiconde, qui n'avait pas réussi comme boucher au village de Littlewood, occupait la loge, et une demi-douzaine d'enfants roses regardaient par la porte où, quelques années auparavant, on avait vu la figure pâle du petit James Arnold. Par une journée de juin, le capitaine et sa femme étaient assis dans le grand salon. Il fumait comme de coutume et il promenait ses yeux sur la vaste étendue du jardin et du parc qui se déroulait devant lui. Mrs. Walsingham était assise à quelque distance de lui et travaillait à sa broderie. Il finit son cigare, puis, soupirant tristement, il tourna la tête vers le canapé où sa femme était assise. « Claribel, dit-il, laissez-la cette stupide broderie et dites-moi combien il y a de temps que nous sommes mariés. 14 ans au mois de février dernier. 14 ans. Et si votre fils Rupert eût vécu, il serait maintenant majeur, le mois prochain. Il était né le 3 juillet. Le 3 juillet, et nous sommes le 4 juin. Dans 29 jours, s'il eût vécu, le pauvre enfant aurait atteint sa majorité. » Mrs. Walsingham laissa sa broderie en soupirant. « J'ai tort de vous parler de cela, Claribel. Cela vous fait de la peine, n'est-ce pas? Mais je me sens ce soir porté à parler de ces choses et à récapituler ma vie passée. À regarder en arrière. À voir quelle longue erreur elle a été depuis le commencement jusqu'à la fin. Je m'étonne de tant d'énergie perdue, de qualité mal appliquée, de chagrin, de honte. Arthur, Arthur, Claribel, Nous avons vécu ensemble pendant près de 15 ans, et jamais pendant ces 15 ans vous ne m'avez demandé quel était ce nuage qui obscurcissait ma vie. Jamais vous ne m'avez questionné sur ce terrible secret dont l'influence a fait de moi un mari triste et négligent, un homme mécontent et malheureux. Je n'ai jamais osé vous le demander, Arthur. Pauvre enfant. Il vaut mieux qu'il en soit ainsi, Claribel. Il vaut mieux que je meure avec mon secret. Vous me ferez enterrer dans le caveau de Lesselwood, n'est-ce pas, Claribel? Et vous ferez placer une tablette de marbre sur l'autel pour attester que j'étais le meilleur des maris et le plus vertueux des hommes. Ferez-vous tout cela pour moi, ma blonde amie? Arthur, comment pouvez-vous parler ainsi? Parce que, Claribel, j'ai longtemps eu la conviction que je n'atteindrai pas l'âge de 50 ans, et que cette conviction est plus forte chez moi ce soir qu'elle ne l'a encore jamais été. Arthur! Mrs. Walsingham se leva. La larme était peinte sur son visage. Elle traversa le salon pour s'approcher de la fenêtre où le capitaine était assis. Retournez à votre place et asseyez-vous, Claribel. Si je dois vous quitter bientôt, si les bruits qui bourdonnent si souvent à mes oreilles, les lueurs sinistres qui passent devant mes yeux, les étouffements étranges que je ressens dans la gorge, si tous ces symptômes, qui sont plus marqués ce soir que de coutume, ont la signification que je crois, il est très probable que je mourrai bientôt. Soyez une bonne mère pour mon fils Claribel, et souvenez-vous de moi quand je ne serai plus. Comme vous êtes cruel, Arthur. Vous avez souffert tous ces maux, vous avez remarqué tous ces symptômes alarmants, et vous n'avez jamais consulté de médecin, vous qui savez combien votre vie m'est précieuse. Est-ce bien vrai, Claribel? Ai-je jamais été pour vous autre chose qu'un lourd fardeau, un misérable mari triste et maussade, un gouffre pour votre fortune et un importun dans votre maison? Claribel, vous dirai-je l'histoire d'un jeune officier de mon régiment qui, en certaines choses, me ressemblait? C'est une histoire bien triste, mais d'une vérité saisissante. Voulez-vous l'entendre? Oui. La chambre se trouvait en ce moment dans une demi-obscurité, mais le soleil couchant éclairait en plein le visage du capitaine quand il commença son récit. Il ne porta pas les yeux sur sa femme, mais il les tint fixés sur l'horizon empourpré du bois qui était en face de lui. Comme moi, Claribel, cet homme était orphelin, fils cadet d'une bonne vieille famille du comté de Somerset, sans autre reproche parent qu'un frère consanguin de son défunt père, qui, après l'avoir envoyé à Lescombe et fait entrer comme cadet dans l'armée, pensa avoir fait tout ce qu'il était nécessaire de faire pour assurer son succès dans la vie. Très jeune, très insouciant et aussi brave que pauvre, il partit pour l'Inde. Quand il s'embarqua, il passait pour un des plus beaux garçons qui fût jamais sorti d'Aliscombe. Il se battit, dit-on, comme un démon. Il gagna de très bonne heure son premier grade et revint en Angleterre. Il devint amoureux, comme moi, d'une femme qui, après lui avoir donné assez d'encouragement tacite pour le rendre plus fou d'amour, lui manqua de paroles avec aussi peu de cœur, pardonnez-moi, Claribel, que vous l'avez fait. Il la quitta comme je vous quittais, fou, découragé, furieux, désespéré. S'il ne se brûla pas la cervelle, c'est qu'il nourrissait une idée vague de cruelle vengeance pour l'avenir. En route pour regagner son régiment, il s'arrêta un jour ou deux à Southampton en attendant que le vaisseau sur lequel il devait s'embarquer mît à la voile. D'autres, aussi insouciants que lui-même, se trouvaient avec lui. Il eut recours à la consolation ordinaire des tâches, il but avec fureur, et le soir de son arrivée, après son dîner, où il avait bu 2 ou 3 bouteilles de champagne, il se rendit au théâtre avec ses camarades. Il m'a souvent raconté, Claribel, les émotions de ce soir-là. Il était plus de 10 heures quand il fit son entrée dans ce théâtre de province poussiéreux et à demi vide. Le rideau était baissé, et les figures qui étaient représentées semblaient vaciller, et quand il les regardait, la musique vibrait à son oreille avec un son métallique qui manqua de le rendre fou. En entendant les rires de ses camarades, il voyait les visages fardés des femmes placées dans les loges au-dessus de lui sourire aux officiers en gaieté, et au milieu de tout cela, il laissa retomber sa tête sur l'appui en velours et s'endormit. Quand il s'éveilla, le rideau était levé et l'assemblée applaudissait à outrance pendant que l'orchestre exécutait les dernières mesures de l'accompagnement d'une chanson. Il regarda devant lui sur la petite scène avec sa maigre rangée de quinquets fumants, ses décors sales et mal peints, et là, il vit la plus charmante créature qu'il eût encore contemplée. « Je ne vous fatiguerai point, Claribel en vous faisant un long portrait de cette femme. Il suffira de vous dire que sa beauté était de cette nature éblouissante qui attire tous les yeux et dont la glorieuse splendeur va presque jusqu'à troubler les sens. Elle portait un costume d'homme avec une tunique de velours et satin, de délicates bottines de maroquin jaune, une épée, une toque ornée de plumes ondoyantes et une quantité de franges d'or qui brillaient à la lueur de la rampe. Chacune de ses attitudes formait un tableau qu'un peintre eût envié, mais qu'il eût à peine pu rendre. Elle venait de chanter, et dans le cours de la pièce, qui était un vaudeville, elle chanta de nouveau. Sa voix était magnifique, riche et puissante, souple et très cultivée. Quand mon ami quitta le théâtre, il se crut fou ou ensorcelé. Il se rendit à son hôtel et lui écrivit une lettre d'amour des plus brûlantes. Le lendemain, il s'introduisit dans les coulisses et il la vit à la brillante lumière du soleil du matin. Elle était plus belle alors, s'il est possible, qu'elle n'avait été le soir, car il y avait plus de modestie dans sa beauté. Oh, Claribel, cette histoire est tellement honteuse que je sais à peine comment la raconter. Qu'il me suffise de vous dire que cette femme était une Circé, une magicienne qui ensorcelait ses victimes à l'aide de charmes merveilleux, et les laissait se lamenter sur sa fatale beauté et son âme cruelle. Le jeune officier ne voyait plus que sa figure charmante. Le vaisseau devait quitter Southampton dans 3 jours. Le second jour, il se jeta à ses pieds et la supplia de l'épouser le lendemain matin même, afin qu'elle pût l'accompagner dans l'Inde. Souvenez-vous, Claribel, que le véritable amour n'était pour rien dans cette nouvelle folie. Peut-être, dans toute son admiration pour la beauté sans pareille de l'actrice, la pensée qui dominait dans son esprit était-elle un désir de se venger de la femme qui l'avait trompé. Il repartit précipitamment pour Londres, se procura une permission de mariage, revint à Southampton pendant la nuit et épousa l'actrice de province le matin même du jour où il devait partir. En quittant l'église avec sa fiancée à son bras, il rencontra un vieux colonel de l'armée des Indes qu'il avait connu quelques années auparavant à Calcutta. Cet homme était retiré à Southampton. Il questionna le jeune officier en voyant cette femme à son bras, lui fit raconter toute son histoire, puis, l'emmenant chez lui, il le mit au fait de toute la hideuse vérité. Le vieillard lui dit, Claribel, quelle était cette femme qu'il avait juré au pied de l'autel d'aimer et d'honorer toujours. Il lui dit la honte, le remords, la misère dans laquelle ce mariage devait inévitablement le plonger. Ce jeune homme jura, en prenant le ciel à témoin, qu'il ne reverrait jamais sa femme. Il rassembla les quelques billets de banque qu'il possédait, il y joignit sa montre et sa chaîne, ses bagues et quelques autres objets de valeur. Il fit un paquet du tout en y joignant quelques lignes d'un adieu plein de mépris. Puis, ayant mis ce paquet entre les mains du vieux colonel, il se rendit à bord du navire et partit pour Calcutta. Pendant toute la traversée, la fièvre ne le quitta point. Il revit sa femme plusieurs années après, mais elle était devenue la compagne d'un autre. Il ne la reconnut jamais, et n'avoua jamais qu'elle fût autre chose qu'une étrangère pour lui. Mais plus tard, il commit un crime qui le mit au pouvoir d'un scélérat. « Un crime ? » dit Claribel. « Oui, le ciel sait combien il avait été cruellement tenté. La femme qui avait manqué à sa promesse de la veuve, jamais, même dans la honte et la folie de son fatal mariage, il n'avait cessé de l'aimer. Il revint en Angleterre et l'épousa, sachant qu'il était devant la loi l'époux d'une autre, et qu'à toute heure, la honte et la ruine pouvaient fondre sur lui. Au pouvoir d'un misérable qui aurait voulu faire couler goutte à goutte le sang de son cœur, tous les instants de sa vie furent assombris par la crainte et le remords. Chacun des sourires de la femme qui l'avait trompé fut un reproche pour son cœur coupable. Claribel, Claribel, dites-moi, par pitié, auriez-vous pu pardonner à cet homme? Auriez-vous pu le plaindre? Auriez-vous pu lui dire « Meurs en paix, repose en paix. Je me souviendrai combien tu m'as aimé et je te pardonne pour cet amour. Pourriez-vous dire ces mots, Claribel ?» Mrs. Walsingham se leva pâle et tremblante. Elle s'approcha du capitaine, prit sa tête dans ses bras et l'attira doucement sur sa poitrine. « Arthur, » dit-elle à voix basse et avec un accent d'un calme surnaturel, « Arthur, je vous pardonne, car c'est votre propre histoire que vous venez de me raconter. Je vous pardonne, mon époux, je vous plains et je vous aime. » Il releva la tête et dans le demi-jour du soir d'été, elle remarqua sur son visage une altération terrible et mortelle. « Claribel, reporte, s'écria-t-il avec un effort pénible. L'enfant vit. Le major Varney. Demandez. Il s'efforça de parler davantage, mais il ne put qu'articuler des sons inintelligibles comme sa femme appelait du secours. Il tomba lourdement sur le plancher. Les domestiques accoururent au salon, attirés par les cris de Mrs. Walsingham, trouvèrent le capitaine étendu sur le tapis. Une écume blanche s'échappait de ses lèvres contractées. Ils le soulevèrent dans leurs bras et le transportèrent dans sa chambre, pendant qu'un groom galopait vers Littlewood pour chercher un médecin. Le capitaine ne parla plus. Il resta plus de 24 heures sans connaissance, et au bout de ce temps, il expira sans proférer une plainte. On avait demandé à Londres les meilleurs médecins, mais les deux éminents docteurs ne purent rien faire que le médecin de Littlewood n'eût tenté avant eux. Le capitaine était mort, comme il avait souvent prédit lui-même, d'une attaque d'apoplexie.